Vous écoutez France Inter. Dans une poignée de secondes, il sera 17h. Et c'est Laetitia Gaillet que l'on retrouve pour les infos. C'est un presque candidat qui a parlé pendant une heure aujourd'hui, Salva Gram à Paris, au colloque Démocratie face au terrorisme. François Hollande a donc prononcé un discours de combat, combat contre le terrorisme, combat aussi contre la droite. Le chef de l'État a d'ailleurs donné sa vision de la France pour les prochaines années. On l'écoute. Quels sont les enjeux? La protection des Français? La cohésion nationale? Le modèle social? La conception de la démocratie, la place de la France en Europe et dans le monde. Voilà les enjeux. Je ne laisserai pas la France être abîmée, réduite, voir ses libertés mises en cause, son état de droit contesté, son éducation réduite et sa culture amputée. C'est le combat d'une vie. François Hollande et parmi les autres petites phrases prononcées par le chef de l'État ce matin devant un parterre de ministres et de personnalités, je me battrai toujours contre l'état d'exclusion sociale, nous sommes la France et la démocratie est notre arme, ou encore à propos de la laïcité, ce n'est pas la religion de l'État contre les religions, a dit François Hollande, c'est un ensemble de règles et de droits qui organisent la vie de la République, pas question non plus d'une loi de circonstance. Et de façon plus directe enfin, François Hollande a dit vouloir limiter le cumul des mandats dans le temps avec une série de réformes institutionnelles. Il reste beaucoup à faire, dit-il, sur la représentativité de nos assemblées pour les ouvrir davantage à la diversité. En réponse, les dirigeants des Républicains et du Front National ont dénoncé un discours de chef de parti. Il y aura bien un geste fiscal pour les ménages et les entreprises, une mesure pour les ménages et des mesures pour les entreprises, plus précisément. Confirmation aujourd'hui de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Les arbitrages seront dévoilés demain. Comme personne n'y comprend rien, dixit Ségolène Royal ce matin sur France Inter, il fallait donc bien une convocation à Bercy. Le patron d'Alstom devait être reçu cet après-midi au ministère de l'Économie et des Finances, au lendemain en fait de l'annonce du transfert d'activité du site de Belfort vers celui de Reichshoffen dans le Bas-Rhin. Le nouveau secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirug, considère que rien n'est définitif à ce stade. L'argument avancé par le constructeur pourtant, c'est la baisse des commandes sur le marché français. À l'étranger, au Gabon, l'opposition à Ali Bongo avait jusqu'à 17h ce soir pour déposer un recours contre les résultats contestés de l'élection présidentielle. On ne sait pas pour l'instant si un recours a bien été déposé. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la mission de médiation de l'Union africaine est reportée sine die. C'est le ministre gabonais des Affaires étrangères qui le dit cet après-midi. 40% des femmes disent avoir été un jour dans leur vie soit victimes d'une humiliation, soit d'une injustice liée à leur sexe. Et une femme sur deux déclare également avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter une remarque sexiste. Comment donc lutter contre le sexisme? Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes, a lancé aujourd'hui et lance même encore ce soir une campagne. L'idée est de susciter une prise de conscience et de changer les comportements à l'égard des femmes. Il y a du travail car le sexisme n'a pas de limite, Maïwenn Bordron. Des remarques sexistes qui peuvent parfois aller jusqu'au harcèlement sexuel. C'est le cas de Sabine, 40 ans. Aujourd'hui, elle est manager dans une banque. Mais il y a une dizaine d'années, elle travaillait dans une boîte d'intérim. Et au bout de 15 jours, elle a décidé de démissionner à cause du comportement de son chef. C'était surtout des gestes déplacés. Par exemple, il veut prendre la graffeuse, ma main est à côté, il va prendre la graffeuse, mais il va toucher ma main. Et le pire, c'est que, en fait, on a l'impression que c'est un masque. La personne, quand on la voit, on se dit non, c'est pas possible. Elle a des enfants, il a des enfants, il a une femme, et tout se fait par derrière. Donc c'est ça qui est très, très difficile à accepter. Et je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse être victime de cette situation-là? Donc plus jamais de jupe, que des pantalons. Je me maquillais plus. Petit à petit, ça allait mieux. J'ai réappris à me maquiller, à me rendre assez féminine, mais plus jamais j'ai remis de jupe. Les jupes, désormais, Sabine en met uniquement quand elle est en congé. Cette expérience l'a marquée. Maintenant, au travail, elle reste sur ses gardes pour ne plus avoir à subir de tels gestes déplacés. La deuxième femme que j'ai rencontrée, c'est Chloé. Elle a 26 ans et elle a déjà dû affronter des paroles sexistes. C'est des petits mots comme ma cocotte, ma poulette, la petite aussi, des choses qui font sentir une espèce de domination masculine. Alors peut-être que je la ressens comme ça, mais voilà, c'est des mots qui ne me plaisent pas au travail, que je trouve déplacés. travaille dans la joaillerie, ce type de campagne de sensibilisation est nécessaire. Elle a le sentiment que les hommes de son âge n'ont pas conscience de ce que les femmes doivent encore subir en 2016. Maïwenn Bordron, 17h05 sur France Inter. On file à la Bourse de Paris, retrouver Antoine Verlin. Antoine Verlin, je ne me rappelle plus, c'est petite baisse, c'est ça? Oui, ça ira Laetitia. Petite baisse, moins 0,33% pour le CAC 40 qui est à 4543 points. La tendance est un petit peu dégradée en début d'après-midi quand la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle gardait en l'état son programme de rachat d'actifs. Manifestement, les investisseurs auraient apprécié un renforcement de ces mesures de soutien car l'économie de la zone euro n'est quand même pas très vigoureuse et l'inflation est toujours en berne. Alors avec ce statu quo de la BCE et celui très probable de la Réserve fédérale à la fin du mois, l'euro se négocie à 1,1270$. Une fermeté pesante pour de nombreuses valeurs. Danone perd 2,08%, Schneider Electric 2,01%, ce sont les deux plus fortes baisses du CAC 40. À l'opposé, les financières sont en soutien, Société Générale notamment qui gagne un petit peu plus de 2%. En dehors du CAC, Groupe Fnac bénéficie d'une recommandation positive, le titre bondit carrément de 10,5%. Mais le CAC 40, lui, se contente d'un petit repli de 0,27%, il est à 4545 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Demain, à partir de 21h, autour de Léo. En partenariat avec l'Obs, une soirée spéciale autour de Léo Ferré. Didier Varro. Plus de 2 heures de concert en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter le centenaire de la naissance de Léo Ferré. Avec en ouverture l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui célébrera le répertoire symphonique de l'artiste sous la direction de Bruno Fontaine. Puis, une pléiade d'artistes sous la houlette de Romain Humeau viendront réenchanter le Grand Léo avec Bernard Lavillier, Catherine Ringer, Arnaud, Philippe Catherine et bien d'autres belles surprises. Thank you, Satan. Autour de Léo, une soirée exceptionnelle à vivre sur France Inter demain à partir de 21h. Vous le savez peut-être pas, mais avec la nouvelle offre Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement acquise sur la période de 4 ans. Avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Du bout du monde, je téléphone à ma blonde juste pour le fun de l'entendre me répondre. Je t'aime plus fort que la fin du monde, c'est de qui ? Ça doit être Robert Charlebois. Oh là là, comment elle sait ça ? Mais alors Laetitia Gaillet, vous ne devinerez jamais, il est là. Ah, incroyable. C'est dingue. Le c'est coup fou. De bol, hein. Oh là là là là. Vous avez le numéro du loto pour demain ? Comment ça se passe ? Oui, je vais jouer. Très bien, merci Laetitia Gaillet qui devine déjà l'information de demain. Ah, c'est incroyable. Puisqu'elle devine tout. Merci Laetitia. Allez, le prochain point sur l'info à presque 17h17, bien sûr. Et en attendant, voilà comment nous avons préparé, comme chaque matin, cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Je suis contente, on reçoit Robert Charlebois. Génial. Nous les Français, on adore les petits Québécois. Enfin les petits Québécois, ils sont beaucoup plus proches des Belges. Ah bah, pas du tout. Québécois, c'est les qualités d'un Belge sans les défauts du Français. Le seul point commun que vous avez, c'est cette liberté folklorique que vous prenez avec la langue française. Ouais, c'est vrai, on aime bien ça parce que parfois on reconnaît des mots de notre langue à nous. Mais les filles, dites quelque chose, vous êtes françaises. Bah, oui. Guillaume et Clara ont raison. Quand vous parlez, on reconnaît des mots parfois. Ah oui, le Québécois, c'est le petit frère du Français. Non. C'est le cousin germain du Belge. Oui. N'importe quoi. Bah. Déjà, le Québécois, il vit dans un grand pays. Oui. Ah, ça, je dois dire que ça vous. Vous êtes plus proche des Suisses. Si, déjà, fiscalement. Quoi ? Et vous avez cette même angoisse de l'exil monétaire. Ça va pas bien. De toute façon, les Français, vous aimez les Québécois, mais eux, ils vous aiment pas. Sinon, pourquoi ils vous auraient envoyé Natacha Saint-Pierre ? C'est pas faux. Et puis, ils disent maudit français. Jamais ils disent maudit belge. Voilà, forcément, ils savent même pas que vous existez. Bah oui, mais ce sont des Américains du Nord, ils sont très peu cultivés. Tu vois, cette arrogance-là, ils l'ont pas. Comme nous, d'ailleurs. C'est normal, mais pourquoi vous seriez arrogant ? Vous n'avez aucune raison. Je sais pas. Voilà. Parce que vous auriez inventé les frites. Et que d'ailleurs vos cousins québécois maltraitent en faisant de la poutine, je vous signale. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Oui. Bon, allez, on bosse les sujets. Oui, on va pas se disputer pour nos différences. Non, en tout cas, pas nous. Non, se disputer pour des différences, c'est tellement français. Bonjour la France Inter, bonjour le Québec libre, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui assouplit les codes de l'actualité et voici les trois informations qui vont plier sans rompre sous le poids des blagues. Le Canada pratique une laïcité accommodante et montre qu'il accueille à bras ouverts les réfugiés. à bras ouverts, au sens propre, hein, ça peut aller loin. Est-ce que ça serait trop indiscret de te demander qu'est-ce que tu fais allongé dans notre lit? Vous n'êtes pas seul. Nous non plus, on ne se sent pas représenté en politique. Eh bien, c'est normal, car se sentir bien représenté est impossible, même pour le citoyen qui y croit encore. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne, hein. Si vous pratiquez une activité sportive en mangeant 5 fruits et légumes par jour, vous serez récompensé par votre assureur. Oui, désormais, l'assureur regarde ce qu'il y a dans notre assiette. Merci la matmut. Oui. Je suis accompagnée d'une joyeuse troupe que je suis bien incapable de gérer seule. C'est le problème des familles nombreuses, n'est-ce pas, Alex Vizorek? Je suis le jeune garçon au père. Bonjour à tous, et aujourd'hui, l'équipe type, le 5 de base, est avec nous 17h20. Au Québec, quand on lui a demandé « Dis André, est-ce que t'as une blonde ?» Il a répondu « Bah oui, j'ai une blonde, j'ai une brune, j'ai une rousse, et j'ai même un labrador. » C'est André Manoukian, bonjour. J'ai plus de labrador. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on bonjour, parle bonjour les autres. On va parler de ma chanteuse belge préférée, elle s'appelle Anne Pierlet. Ah, une flamande. Ouais. 17h30, il a un gros point commun avec Jacques Cartier, ce goût d'aller où les autres ne vont pas. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je me suis intéressé aujourd'hui à la grève dans l'éducation nationale. Et j'ai recueilli la parole de parents d'élèves. Je les ai trouvés plutôt calmes et pondérés. La ministre de l'Éducation est une connasse. Voilà, calme. Calme et pondéré, quoi. Et 17h40, ce sont nos retrouvailles. Et je pense qu'elle a imaginé que j'allais abandonner ma conquête, et non. Car comme disait la poète Céline Dion, et si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause, un répit. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. De quoi on parle? Vous êtes jeune homme au père. Oui, je suis content de vous retrouver. Je ne vous laisserai pas changer mes couches. Alors, à l'occasion de la course de Formule 1, le Grand Prix de Singapour, nous allons parler de l'ultra-vitesse. L'ultra-vitesse. Et aujourd'hui, celui qui a tout annulé pour nous fête ses 50 ans de carrière sur scène. Il chante et il produit de la bière. Il a tout pour nous rendre heureux. Alors, je laisse dire qui il est. Vous êtes. Je suis Robert Charlebois, mais je continue à boire de la bière, mais je n'embrasse plus. Voilà. Non, c'est vous c'est gentil plus de me saouler, d'essayer de me saouler. Même avec... pas moi. Parce que tu parlais des blondes, des roses et des brunes. Je pense, non, on ne parlait pas de là, bière. Là, on est sur la blonde, sexe, on peut le dire. Bière. Avec Robert Charlebois. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. On fêtera pas vos 50 ans de brasserie alors? Non, jamais, mais on peut fêter mes 50 ans, mes 50 000 heures peut-être de musique. Ah, voilà. Bah ouais. 50 ans de carrière. C'est rien. 10 000 heures, c'est quoi? C'est 10 ans, 2 heures par jour, donc on peut dire 50 000 heures de musique. Voilà. Ah, mais je fais pas 50 chansons, ne paniquez pas. Je fais de la crème parmi les 50 chansons. Ah, justement, on va en parler parce que vous allez entamer une grande tournée pour fêter ces 50 ans de carrière sur scène. Alors, Robert Charlebois, 50 ans de carrière, moi c'est l'Everest, là. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je me dis, mais quelles questions on ne vous aurait jamais posées en 50 ans? Vous êtes pas né, vous étiez pas né vous, non, quand j'ai commencé. Non. Elle était qu'une idée. Voilà. Dans le monde de Platon. Eh oui, ben, les 50 premières, c'est peut-être les plus difficiles. Après, on dirait que ça va tout seul. Pour les 50 suivantes, vous arrête, êtes... Arrête, on tourne attaché de presse, répond au téléphone, puis dis, oh, est-ce alors, que ça t'amuse d'aller à France Inter? Ce côté, ça va tout seul, c'est vrai, mais donc les gens, ils viennent ça vous va voir. Ça va jamais tout seul. Non, mais c'est ça, parce qu'ils vous aiment bien. Mais qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, les gens fans de Robert Charlebois, quand ils vont le voir sur scène? Eh bien, la même chose que toi, mon vieux. Moi, je sais, quand mais... tu étais cet été au festival de Gilbert Rozon, j'espère que tu m'as étonné. À Montréal. Alors, un artiste, c'est fait pour étonner. Et moi, ben, il faut que je continue à m'étonner moi-même. Comment je vais faire? C'est tout un challenge. C'est votre recette. Après 300 chansons. S'étonner soi-même pour pouvoir étonner les autres. Et s'amuser aussi, parce que si je ne m'amuse pas, personne ne s'amuse. André Manoukian? Il y a quelques grand musicien, André Manoukian. Il connaît toute l'histoire de mes chansons, parce que j'ai vu ça sur TV5 Monde. Lui, il était né, hein, donc. Oui, il était né. À peine. Il y a quelque chose de très joli que vous dites à propos du concert, qui me fait penser aussi à Miles Davis, qui disait que son plus grand souvenir, c'était sa première répétition. Parce qu'on connaît un sentiment d'extase tout d'un coup. Moi, c'est vrai que je l'ai connu aussi. Et qu'après toute sa vie, on est à la recherche de cette note. Lui, il était à la recherche d'une note. Mais vous avez dit quelque chose de plus beau encore. Vous dites, parfois, il y a un moment de grâce qui arrive, et puis parfois, il n'arrive pas. Mais mon truc, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour provoquer, à bout de 50 ans peut-être, ce moment de grâce? Est-ce qu'on peut y arriver? Parce que c'est une magie. Oui. Ben, moi, j'appelle ça l'ange de la musique. Voilà, l'ange mais de la pour musique. Pour qu'il passe, il faut que les musiciens s'écoutent. Il faut que tous les instruments, bien sûr, soient bien accordés, bien mixés. Il faut que le son soit impeccable. Et puis, il y a des publics qui ont du talent aussi. Il y a des publics qui font qu'on devient pas surnaturel. Restons simples. Nous sommes des demi-dieux, mais on reste quand même des demi-dieux bien ordinaires. Des demi-dieux ordinaires. Et le public, puis c'est vrai pour les sportifs aussi. Qu'est-ce qui fait que des joueurs de tennis vont se surpasser? C'est parce que le public les stimule, les pousse. Donc ça existe, ça, des publics qui ont du talent. Et parlant de Miles Davis, moi, je cherche toujours la note bleue, mais lui a dit « On reconnaît les grands musiciens aux notes qu'ils ne jouent pas. » Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les respirations, on a un peu peur de ça. C'est comme à la télévision, maintenant, on fait de la radio filmée. C'est une absurdité, pensons-y. Ah bah alors ça, on est bien d'accord avec oui, vous. On est bien loin de nous l'idée d'en faire. Mais les gens ont peur des silences. Un silence à la radio, c'est vrai que ce n'est pas terrible, parce que les gens peuvent zapper. Mais vous voulez qu'on en fasse un, là, les gens, suite? Maintenant, il y a des gens qui m'interviewent et ont tellement peur que je dise des conneries ou que ce ne soit pas assez intéressant, qu'ils mettent de la musique pendant que je parle. Et ça, c'est très focatif, non? C'est focatif. Ben, c'est très focatif. C'est archi-focatif de faire ça. What the fuck? Comme de la what the fuck, c'est de... C'est pour les Esquimaux se nettoient les oreilles avec de la what the fuck. Ça veut dire quoi, focatif? Ben, fourrant, ça veut dire fourrant. Ça vient de fuck? Mais oui. Really? Ça vient de F-U-C-K, par contre. Oui, qui signifie? Fornication under the control of the king. Voilà, il vient traduire. Il vient traduire en arménien, mon ami Manoukian. On apprend des choses, dis donc. Ben oui. Robert Charlebois, en 50 ans, votre voix, elle a évolué. Est-ce qu'il y a des chansons que vous pouvez peut-être plus chanter ou qui ont un supplément d'âme avec une voix qui évolue? Ben, y a des trucs pour ça, évidemment. On peut changer de clé une chanson, mais ça, c'est à ne pas faire. Parce que, pour une raison qui m'échappe, c'est comme on joue avec la couleur. Chaque tonalité a sa couleur. Non, il y a des choses que je peux plus faire. Par exemple, jouer du honky-tonk ou du rock'n'roll au piano pendant une heure, je peux pas. Mm-hmm. Mais je peux encore faire un bon 10 minutes. Parce que Johnny, il chante toujours l'idole des jeunes, donc je peux faire cette question. Ça, c'est quand une chanson est belle. Prenons l'exemple de Lindbergh. Bon, c'est une chanson qui faisait rêver tous ceux qui n'avaient pas l'argent pour s'acheter un billet d'avion dans les années 60. Mais aujourd'hui, toutes ces compagnies-là ont disparu et l'avion, c'est comme un témoin du temps, mais ça ne fait plus rêver grand monde de prendre l'avion. Et donc, la chanson, faut-tu 32 heures la chanson a changé de message. Voilà, elle a changé de message, mais elle est toujours aussi. Ryanair a mis un coup. Vous voyez, Charline, elle a mis de la musique pendant que vous parliez. Ça veut dire comment. C'est pour en profiter plus de Robert Charlebois et parler sur l'introduction de la chanson. Ça veut dire accélère, mon vieux. Parce que c'est C2C, Down the Road. Sur France Inter, avec l'équipe d'Annultoué, Robert Charlebois qui fête ses 50 ans de carrière sur scène. On accélère. Hello, place to go. Hello, place to go. Darling, hello, place to go. Go. Down the road I go. C'était Robert Charlebois. Et c'est vrai que votre voix a beaucoup changé. C'est depuis que je travaille avec le Cirque du Soleil, ils ont refait les arrangements. C'est dingue. Ils ont fait des arrangements futuristes. Ouais. Et j'aime beaucoup, beaucoup la techno. Enfin, ce que je préfère, c'est quand ça s'arrête. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ça. Non, c'est un genre de musique que je ne fais pas. André, vous en faites, vous, Manoukian? André Manoukian? Moi, je mélange un peu des sons électro, des nappes. Mais quand vous êtes arrivé en France, il y a un petit moment déjà, vous êtes aussi arrivé avec un son. Ah, bah oui. Et c'était la première fois qu'on entendait. Il faut arriver avec un son, quand même. Chanson française avec du funk, avec de la soul, avec des choses latino un peu. Il y avait tout d'un coup un festival de sons que vous aviez. J'ai déstructuré un peu la chanson et puis ça, ben, vraiment, j'y croyais, je l'ai fait. Puis après ça, ben, d'autres vont le faire. Le timing is everything. Quelqu'un qui ferait ce que je faisais en 70 cette année, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de succès. Et il y a des chansons qu'on entend modernes, qui sont comme démodées avant de venir au monde. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de genre condamnable. J'adore le lounge music. Et ça, je trouvais ça assez amusant. Si, tout aussi. Il y avait des, c'est vrai que c'est long, c'est répétitif, mais il y avait vraiment des choses très amusantes dans le morceau qu'on vient d'entendre. Mais même Francis Lee, maintenant, fait ça. Alors, il est temps qu'on s'en aille de là. Robert Charlebois, qui fête ses 50 ans de carrière sur scène. Vous serez, par exemple, les 12 et 13 décembre à Bobino, mais aussi le 7 décembre à Biarritz. Vous passez aussi par Monaco-Genève. Lille. Oui, n'oubliez pas la petite mallette. Monaco-Genève. Et le 17 décembre, par exemple, à Vendreuve, les Nancy. Oui, c'est varié. Ça, c'est de la variété. C'est pour ça qu'on appelle ça un chanteur de variété. Vous déstructurez la musique. Et nous, on déstructure l'actualité. Attention de me rendre mon honneur. Ça vous reprend. Ça y est, c'est d'ici de bon. Une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'éclairisme. Et on commence par les titres. Éric Ciotti, porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne des primaires, accuse François Hollande d'instrumentaliser le terrorisme. Anormal qu'il soit pas content si François Hollande se met à piquer le fonds de commerce de son propre candidat. L'iPhone 7 sort aujourd'hui et pour la première fois, l'écran n'est pas plus grand par rapport à la précédente version. Voilà, au contraire des enfants chinois qui l'ont fabriqué, hein, qui eux sont plus grands que quand ils ont fabriqué l'iPhone 6. Et il y aura l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Oui. Ce sera le ballon de foot de Manuel Valls. C'est ça, et une seule bref, mais elle est super. Commençons par le procès Cahuzac. Oui, Jérôme Cahuzac a déclaré, je cite, « J'ai des comportements... » Il vaut mieux citer, parce que sinon c'est moi qui l'invente. On croirait que c'est une blague. « J'ai des comportements à risque, je fais de la plongée en bouteille, de la chasse sous-marine, des randonnées à ski de plusieurs jours en montagne. » Un homme qui aime tant la liberté. On attend ses prochaines impressions sur la pêche à la savonnette dans les douches de Fleury-Mérogis. International, la Corée du Nord lance son service de télévision à la demande. Oui, afin de ne pas verser dans un excès de liberté trop grand, la Corée du Nord aurait sollicité l'expertise de Vincent Bolloré pour gérer cette belle chaîne. Catastrophe toujours. Oui. Avec la sortie de son dernier album, Céline Dion décroche le deuxième démarrage des ventes de l'année derrière Renault. Derrière Renault. Donc dans deux semaines, Céline Dion va se faire tatouer la Vierge Marie dans le dos et se mettre à soutenir Geoffroy Didier. Elle a arrêté le Ricard. Science. Une étude nous apprend que les chiens apprennent en observant leur maître. Oui, l'occasion de parler de Toumi, le chien de Nicolas Sarkozy. Ah, il a observé son maître. Écoutez, je sais pas, mais là, il s'est mis à re-ronger un os qu'il avait enterré depuis 2012. Ah, donc, ouais, ça veut pas dire grand-chose. Mais oui, mais hein, Toumi aussi, quand il se fait gronder, prend toujours un peu l'air innocent, comme ça. Et puis, quand Carla Bruni rentre, il agite la queue. Donc, effectivement. Technologie à présent. Hier a eu lieu la présentation par Apple du nouvel iPhone. Oui. Parmi les nouveautés, Apple propose des oreillettes sans fil pour le prix de 160 $49. Voilà, véritable prouesse technologique puisqu'il s'agit des premières oreillettes qui, lorsque vous les insérez dans les oreilles, vous font mal au cul. C'est une révolution. Passons à l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Eh bien, hier, Manuel Valls a joué au foot lors d'un match de charité. Exact. Aux côtés de Lizarazu et Carambeu, nous avons avec nous le ballon le du ballon match. Le ballon du match est avec nous. Monsieur le ballon, comment vous avez trouvé Manuel Valls? Oui, oui, je l'ai trouvé nerveux. Mais vous avez un accent chinois. Oui, un accent chinois, oui, mais je ne suis pas Michel Leb, attention. Hein. Je suis vraiment chinois, c'est de là que je viens. Ah, oui, les ballons de foot, évidemment. Oui. Donc Manuel Valls a joué avec vous. Oui, en ça, je me sens un petit peu français. Quoi. Oui, c'est pas faux. Comment c'était? Eh bien, disons, j'avais une vue imprenable sur ses. Ah oui, à cause du short, évidemment. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il était contre le burkini, quoi. Ah, parce que. Oui, dans le dessous, c'est indécent le short. Ah oui, bah, peut-être vous avez une révélation à nous faire. Oui, oui, effectivement, il porte à droite. Ah, bah oui, ça, ah, voilà. Sans douter un peu. Merci le ballon. On termine par une brève sur un tout autre sujet. Terrible. Norvège, un homme coince son testicule dans un tabouret Ikea. Ah! C'est véridique. Ah. Et il s'en est plaint sur sa page Facebook. Il a écrit vraiment un grand post, je vous le lis. Vous êtes suédois, je sais que vous n'aimez pas les descriptions directes des parties génitales. Je vais donc les appeler le capitaine et ses deux matelots. Ah, moi j'ai déjà le mal de mer. Voilà. Et ben, un des deux matelots s'est glissé dans le trou du tabouret et je ne l'ai pas remarqué. Seulement en me levant, aïe, la température élevée a fait que mon matelot a pris du volume se bloquant dans le tabouret. Pour me sortir de cette situation, j'ai dû me doucher à l'eau froide le temps que le volume du matelot diminue. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Et ben, comme quoi les meubles Ikea ne sont pas si faciles à monter. Voilà. C'est de l'information, bien sûr. Il est atterré, Robert Charlemagne. Non, il a méfié. Justement, on va aborder avec Robert Charleroi. Bon, le premier sujet. Charleroi, c'est une ville chez nous. Non, c'est un lapsus belge. C'est ça, parce que c'est la ville presque d'où je viens. Donc ça, vous me troublez. Premier sujet, Robert Charleroi. Le Canada semble faire tout le contraire de la France. En tout cas, proposer une laïcité détendue du string. Une laïcité dite accommodante. Et son premier ministre accueille les réfugiés à bras ouverts. Justin Trudeau s'est construit une image de chantre du multiculturalisme. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne pour l'instant. Quant à la réaction des Français face à l'accueil des réfugiés, elle est partagée en deux camps. Pourquoi Jean-Pierre, tu es au lieu ? Monsieur Houille est un bon copain et tu lui claques la porte au nez ! Entrez, monsieur Houille. Ah ! Ils vont pas rentrer avec leur détritus ! Venez donc ! Ce sont des offrements pour Dame Béatrice la Poufiasse, ma gentille maîtresse. Non mais qu'est-ce qu'il dit ? Offrement, bien sûr, c'est l'expression d'époque pour dire cadeau. Moult merci, gentil serviteur. Entrez avec votre demoiselle. Et autre chose aussi, vous êtes traité de Poufiasse. Oui, mais pour eux, ça n'a certainement pas le même sens que pour nous. Clara Dupont-Mono dans Les Visiteurs 2. Ça, c'est petit. Ça, c'est pas joli, ça. La version avec Muriel Robin, bien sûr. Robert Charlebois, la France pratique une laïcité qu'on peut qualifier de plutôt offensive. Et le Canada, ce qu'on vous appelait des accommodements raisonnables. Est-ce que c'est une différence culturelle que vous avez pu ressentir, vous qui prenez le Boeing bleu de mer entre les deux pays assez souvent? Différence culturelle, ben, je veux dire, le Canada ou l'Amérique en général, c'est qu'un prolongement de la France ou de l'Europe. Hein. Et donc, nous, on accueille les immigrants parce que on en a besoin. Et donc, on leur bâtit des maisons, puis pendant ce temps-là, ben, ça donne du travail à beaucoup de monde. Et puis, les accommodements raisonnables, c'est que, ben, avant de changer les meubles dans la maison de quelqu'un, tu prends le temps de dire bonjour. Alors, c'est certain qu'on a... Moi, j'ai vu mon premier turban en 1967, j'avais déjà 23 ans. Et mon premier noir, je l'ai vu, j'avais 8 ans, je crois, dans l'autobus. Et j'étais avec ma mère, puis je le regardais comme s'il avait passé au feu. Et puis ma mère a dit, mais arrête de le regarder, je t'expliquerai. Mais j'ai dit, d'où il vient? Non, mais c'est vrai. Ouais. Et dans ces années-là, les films français, à part Henri Salvador, il n'y avait jamais de noir. Donc, tout ça est venu avec l'Expo 67. On s'est un peu ouvert sur le monde. Et là, sont arrivés beaucoup d'immigrants depuis quelques années. Et donc, les gens sont un peu perdus. Ils se disent, ben, les immigrants, avant de changer... Quand on va dans un pays, là, les Américains disent « In Rome, do like the Romans ». Si tu vas à Rome, fais comme les Romains. Moi, si je vais dans un pays oriental, je demande à ma femme de couvrir ses bras, etc. Mais eux, ils voudraient déjà avoir la charia pour être jugés par un tribunal islamique, etc. On dit, wow, un instant, là, nous avons nos lois. Les femmes canadiennes sont libérées depuis très longtemps. Et ça se mélange. Tu sais, mais c'est une question de logique. Si, au mois de novembre, t'as pas de foulard, on va t'en prêter un. Ah, c'est toi qui vas avoir l'air fou. Tu comprends? Mais d'avoir, mettons, des acidimes l'été avec le bonnet de fourrure quand il fait 37 degrés, puis les filles avec les bas qui plissent puis les perruques collées dans le front, ça pas, c'est pas plus logique que de porter des burkinis quand il fait 38 ou des choses comme ça. Donc, c'est une question de comment dire, de civisme. De civilisation, c'est une foule de petites choses. Pourquoi au golf, il faut que tu ailles un collet? Parce que si on n'exige pas le collet, la semaine prochaine, ils vont jouer à Marseille, puis la semaine d'après, ça va être en Bédène, etc. Donc, au golf, non seulement il faut que tu aies un collet, mais il faut que tu aies ton polo dans ton pantalon avec une ceinture. Et tout le monde, il va jouer au golf, il se plie à ses lois. Et la gendarmerie canadienne, elle autorise. Pas aux migrants, là. C'est ça, des accommodements raisonnables. Ouais, c'est ça. L'accommodement, ouais. C'est par exemple la gendarmerie canadienne qui permet le port du voile islamique à la gendarmerie, ouais. Pour inciter notamment les fans à faire carrière dans la police et aussi mieux refléter la diversité culturelle du Canada, une diversité dont vous êtes fier. Oui, puis les extrémistes, qu'ils soient musulmans, juifs, arabes, qui acceptent pas un ticket d'une femme police, eh bien, ils sont coupables. Parce que nous, au Canada, il y a des femmes polices qui ont le droit de t'arrêter. Puis lui, non, ça me prend un homme. Ben excuse-moi, nous, on a des femmes polices chez nous. Il y a même des femmes polices voilées, c'est ça que dit Charlie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ben, oui. C'est la laïcité. Une musulmane qui n'a pas de sein, comme on appelle ça. Non? Une planche à voile. Ah, bon. D'accord. Robert Charlebois okay. Est en toute grande forme. Mais parce que je vois que c'est une émission d'humour que vous faites. Mais, je vais revenir à Justin Trudeau. C'est vrai que vous dites Justine, mais c'est Justin Trudeau. Ah. Ben, on dit les deux, non? Au Québec, on dit Justin, on dit Justin et ailleurs, parce on dit Justine. Parce que son papa était canadien-français. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on dit Justin, on reçoit du courrier qui nous dit « dites Justine ». Et quand je dis Justine, je reçois du courrier qui me dit Justin. OK, ben dis Justin, puis tu peux en prendre deux. Okay? D'accord. Alors, non, c'est pour dire que lui a promis de faire venir 25 000 immigrants syriens. Le premier immigrant syrien, n'oublions jamais que c'est René Angélil, le gérant de Céline Dion, dont vous avez si bien parlé. Moi, quand j'étais à l'école, que j'avais 12-13 ans, il y avait déjà des Syriens dans ma classe, puis c'était des immigrants qui avaient choisi le Canada. C'est pas la même chose que des gens qui sont malheureux, qui fuient leur pays. Maintenant, moi, je pense qu'il devrait pas y avoir de... Je vais tourner ma langue cette fois, parce que c'est une émission, ils peuvent isoler des phrases. Non, on est en direct, mais, il est 17h31. Quand on a un pays qui va mal, dites des trucs racistes, on est en direct. Quand on a un pays qui va mal, on devrait régler les choses dans notre pays. C'est comme les gens qui disent « Ah, si Marine Le Pen est au pouvoir, moi je me sauve. » Mais non, reste puis règle ton problème ici. Et même chose pour tout le monde. Mais après, les gens qui fuient un pays en guerre... Un pays en guerre, ça c'est autre chose. Mais avant que ton pays soit en guerre, un dictateur qui finalement... Entre un dictateur presque élu ou qui se maintient au pouvoir sans aide et un monarque qui contrôle la télévision et qui, par son argent, achète des votes, elle est où la différence? Hein? Non, mais est-ce que vous voulez dire que c'est de la faute des Syriens si pas du tout. L'État du pays mais est bien sûr, ça de l'autre faute, tout le monde le sait. C'est ça qu'on piche. C'est pas la faute des Québécois. Moi, encore que ça peut être la faute de l'Occident. Oui, ça peut être la faute de l'Occident. Moi, pas mal. Le multiculturalisme. C'est une foule de petites choses qui font ça. Personne n'est noir ou blanc là-dedans. Et c'est vrai qu'il faut essayer de s'aider, mais t'as toujours l'air fou quand t'es sur le terrain d'un autre avec une mitraille. Inacceptable. Conclusion. Conclusion. Le multiculturalisme, la musique qui en est le plus bel exemple, André Manoukian. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, citoyens, citoyennes, aujourd'hui, c'est pas dimanche et c'est plutôt l'heure de l'apéro, mais c'est dans une église que j'ai envie de vous convoquer le temps de cette chronique. Qu'est-ce qui se passe? Un accès soudain de bigoterie, me demanderez-vous? Non, c'est tout simplement que dans les églises, le son est formidable. Oui, vous autres, affreux athées, mécréants, incroyants qui passez votre chemin sans même jeter un œil sur ces parvis splendides aux statues décapitées, eh bien, vous passez à côté d'expériences soniques inouïes. Le son dans une église, mais rien de plus beau, rien de plus émouvant, rien de plus saisissant. Dans la cathédrale de Chartres, faites cette expérience. Vous vous placez avec un copain, chacun au pied de deux colonnes séparées d'une quinzaine de mètres. Vous murmurez et vous contre... à la Wakbar. Vous voyez ce qui se passe. Tout à fait surprenant. Vous murmurez contre... à la Wakbar, mais tout. Vous murmurez contre la colonne. Donc je recommence. Colonnes qui sont séparées de 15 mètres. Vous tournez contre la colonne tout près et vous murmurez. Le son de votre murmure va suivre les réunions murs de pierre, monter dans les voûtes et redescendre à l'oreille de votre copine. Entre-temps, j'ai réfléchi, c'est mieux de faire ça avec une copine, pour lui chuchoter au creux de l'oreille. Si c'est pas un boulot d'acousticien de génie. Et ces cathédrales ont toutes été construites il y a plus de 1000 ans. Pas de système de bruit rose à l'époque, pas de micro ni de haut-parleur pour tester l'acoustique des endroits. Et pourtant, l'acoustique, elle y est parfaite. Acoustique, ça vient du grec akoustimakoi. Et ça veut dire ceux qui écoutent. Ceux qui savent, c'était les mathématicoi. J'en parle cette semaine dans cette excellente émission tous les samedis sur France Inter qui s'appelle Les Routes de la Musique. Revenons à nos églises. Pourquoi ? Parce que c'est cet endroit qu'a décidé d'investir Anne Pierlet, ma chanteuse belge préférée après vous, Charline. Ah, c'est pas Morane. L'église. On salue bien entendu. Mais si, mais aussi. Elles sont toutes mes préférées. L'église Saint-Jacques de Gand, plus précisément. On s'est aperçu que dans certaines chapelles, il y a parfois des trous dans les murs. Savez-vous pourquoi, Robert ? Des cavités aménagées, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est tout récemment qu'on a compris l'utilité de ces anfractuosités, des pièges à basse fréquence. Ils avaient la science, dans le Moyen-Âge, d'enlever les fréquences qui étaient vilaines pour que la musique soit magnifique, comme dans un studio moderne, ça s'appelle des basses trappes aujourd'hui. Mmh. Et comme dans un studio moderne, Anne Pierlet est venue avec ses beats électro qu'elle a décidé de mélanger à l'orgue liturgique. Des beats dans une église. Pardon, il est mauvais. Mais pour une fois, c'est au service de la bonne cause. Zéro point. Moi, j'ai entendu dire aussi que dans le chant grégorien, je ne suis pas spécialiste, là, mais il y a une écriture qui fait que les échos se croisent à cause des ogives et que ça fait des harmonies. Exactement, voilà. C'est la chambre d'écho, non seulement les basses fréquences, mais la chambre d'écho a été inventée aussi. Dans les églises, évidemment, avec des réverbes de plusieurs secondes, l'idée c'était de reconstituer la musique des sphères. Parce que dans le grégorien, ils ne peuvent pas faire des harmonies. C'est sexuel, il paraît, une tierce, une quinte, c'est voilà, sexuel. C'est bizarre, donc il est en train de me faire ma chronique. Vous faites quoi mardi prochain? On cherche un sac, c'est une émission du monde. Ben justement, Anne Pierlet nous réconcilie avec un monde musical coupé en deux de la faute de qui? À Platon. Il distinguait la musique qui élève de la musique qui ramollit parce qu'elle parlait au sens. Ce philosophe, en fait, Platon, il est à la base de notre civilisation, mais aussi à la base de pas mal de nos névroses occidentales. Le monde idéal du ciel contre l'illusion du monde terrestre. L'esprit, c'est bien, le corps, c'est caca. La musique des sphères contre la musique de fête. Eh ben, Anne Pierlet, elle met fin à 2400 ans d'anathème dans l'histoire de la musique. Les moines ont inventé la portée pour contrôler cette énergie musicale. Ils ont interdit, comme vous disiez Robert, les intervalles de tierces parce qu'ils étaient jugés trop sensuels. Les femmes étaient exclues des chants ou alors elles avaient le droit de chanter en chœur pour faire les voix des anges. Même chez les Afro-Américains au 19e siècle, le gospel était la musique de Dieu, le blues la musique du diable. Eh bien, les voilà réunis, ces deux musiques, celle de Dieu et celle du diable, dans la Sainte Chapelle de Gand par la grande prêtresse Anne Pierlet. Towards the sea. c'est Anne Pirlet dans une cathédrale à Gand. Exactement, et elle chantera à Paris dans l'église Saint-Eustache le mercredi 5 octobre 2016. C'est bientôt. Hein, et elle sort un nouvel album, Anne Pirlet. Exactement, et elle, il faut noter aussi qu'elle a fait la musique du tout nouveau testament de Jacob van Dormael. Effectivement. Merci André Manoukian. Nous nous sommes en compagnie de Robert Charlebois qui, pour fêter ses 50 ans de carrière sur scène, entame une tournée qui commence par exemple le 22 novembre à Lille, le 26 à Neuchâtel, le 28 à Genève, il passera par Perpignan, Biarritz, Paris à Bobigny les 12 et 13 décembre ça et le 16 décembre à Tours. Robert Charlebois, il y a un individu à vos côtés qui s'appelle Guillaume Meurice. C'est moi. Et qui porte un regard acéré sur la société. Je le laisse développer son propos. Mais chronique un petit peu compliquée aujourd'hui, Charline, parce que je vais vous parler de la grève des profs. C'est compliqué parce que se fâcher avec des profs sur France Inter, c'est la garantie de diviser l'audience par 87. J'ai calculé. C'est comme se fâcher avec des analphabètes chez Hanouna, c'est pareil. On est beaucoup écoutés par les profs. Hein. N'oubliez pas qu'au dernier sondage Médiamétrie, on est premier sur les colliers de barbe et les pulls de la Camif. Donc il faut vachement faire gaffe à ça. Donc aujourd'hui, ils sont en grève, les profs, hein, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes aux parents d'élèves. J'en ai rencontré pas mal ce matin devant quelques collèges parisiens. Certains étaient très inquiets, voire pas contents du tout. Si c'est pour la rentrée scolaire qu'ils font grève, je trouve ça absolument odieux. Vous pensez qu'ils font grève parce qu'ils sont contre la rentrée scolaire? Oui, j'en ai entendu parler, mais qui va en pâtir? Alors, les élèves, si les parents d'élèves, les élèves sont d'accord, mais les professeurs, enfin je sais pas, je trouve que tout ça c'est un peu la pagaille. Ah bah là c'est complètement la pagaille, là. C'est vrai qu'on comprend rien du tout, alors en même temps c'est pas simple. Alors non, les profs ne font pas grève parce qu'ils sont contre la rentrée scolaire, hein. On les traite souvent de feignasses, mais il y a des limites quand même. Ils font grève contre la réforme du collège. Alors est-ce que cette autre maman d'élèves soutient le mouvement? Non, je soutiens pas, il faut absolument qu'ils se mettent au travail, quoi, c'est tout. Vous soutenez pas leurs revendications? Je suppose qu'ils en ont. Bon, moi, je suis... Vous connaissez pas les revendications, mais vous soutenez pas la grève? Non, pas en principe. Mais alors du coup, comme vous soutenez pas la grève, vous soutenez le gouvernement? Non, je soutiens pas le gouvernement. Ah. Non, non. Vous soutenez personne? Non. Là, on est dans le refus. Hein. On est même dans le refus du refus, de négation du refus. Ça, c'est très français, ça, Robert. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais on est contre, on n'est pas d'accord. Alors, le principal point de désaccord, hein, je le rappelle, ça concerne ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Alors, voilà, c'est le fait de croiser deux disciplines. Ce que fait André, par exemple, hein, en croisant la musique et la gynécologie, par exemple. Alors, bon exemple. Les profs ne sont pas forcément contre le principe, hein, mais ils critiquent surtout le manque de moyens pour l'appliquer. Moi, voilà, ça, c'est un exemple, hein, vous comprenez. Vous êtes en empathie, en vrai. C'est un exemple de ce pourquoi ils font grève. D'où la colère des parents d'élèves qui pensent qu'il est important de ne pas quoi ? De ne pas prendre en otage donc, des petits. Et d'un autre côté, ils ont le droit également que... Ça, vous trouvez que les petits sont pris en otage ? Bah, les petits, oui et non. Dans le bon sens, peut-être, parce qu'ils sont contents si, quand il y a grève. Et ils peuvent s'amuser un peu plus, mais ça n'arrange pas forcément les parents. Comme quoi, on peut être pris en otage et content, alors ? Peut-être. Ah, ça c'est intéressant. La prise d'otage heureuse, hein, c'est un nouveau concept. Daesh devrait y penser. On oblige les gens à être heureux. Ça pourrait bien marcher à Paris d'ailleurs. Si on prive les gens de leur liberté de faire la gueule, ça va pas leur faire plaisir aux Parisiens. Hein, Clara, par exemple, elle tiendra pas deux minutes avec ça. Tiens, puisqu'on parle des personnes âgées, il y avait aussi des grands-parents d'élèves très inquiets pour leurs petits-enfants. Celui-là trouvait que les profs exagèrent. Quand même, profs, dans une certaine mesure, on peut quand même considérer qu'ils sont privilégiés. Oui. Vous pensez que c'est un privilège de faire cours devant 30 élèves en ZUP? Un privilège, j'ose pas dire que c'est un privilège, non, mais le statut... Que vous avez dit que c'était un privilège, c'est pour ça? C'est pas toujours facile, il faut faire le poids. Voilà, il faut faire le poids. Hein. Enseignant, c'est le conseil du jour, faites le poids. Parce qu'en 6e, certains élèves peuvent peser 4 fois plus que vous et mesurer 2 fois votre taille. Donc ça, c'est le conseil. Hein. Faites le poids, c'est important. Ou bossez le combat rapproché hein, pour survivre au collège. Ça vous sera plus utile qu'un bécherel. Voilà, j'essaye d'aider au mieux les professeurs. Je fais ça pour l'audience, hein, vous avez compris. Oui. Alors, pour être tout à fait objectif, parce que vous savez bien que c'est ce qui me caractérise, hein, l'objectivité, j'ai quand même trouvé une dame qui soutenait la grève. Bah, ils ont raison de faire grève. Mais pourquoi alors? On n'apprend pas l'arabe dans les écoles françaises. On apprend le français, l'anglais, les langues vivantes. Et pourquoi on n'apprendrait pas l'arabe? Parce que si on continue comme on est parti dans 10 ans, on sera l'annexe de l'Arabie Saoudite. Ah, mais si on apprend le latin, ça se trouve, on va être le nouvel empire romain. C'est pas mieux? Non, ça va pas. Par contre, les profs, ils font pas grève du tout pour ça. Hein. Ils font grève pour quoi alors? Pour la réforme du collège, ils sont contre. C'est quoi la réforme du collège? Bon, alors je sais bien. Attendez. Je sais bien que c'est pas simple à comprendre, mais si on pouvait juste 5 minutes dans ce pays arrêter de penser que tout est de la faute des Arabes, ça serait quand même un poil reposant. Alors bon, en même temps, cette dame avait l'air d'être une femme de conviction, hein, ce qui est plutôt bon signe, j'essaye de voir le positif dans la chose. Je lui ai posé une dernière question. Si elle était ministre de l'Éducation nationale, quelle est la première mesure qu'elle prendrait ? J'arrête l'arabe dans les écoles. Ah oui, j'arrête vraiment, les langues qui ne sont pas des langues normales chez nous. Je fais le latin, le grec, le français, les langues vivantes, voilà. L'espagnol ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une langue normale chez nous, l'espagnol ? Bien sûr que c'est une langue normale, une langue européenne, voyons. Et le chinois ? Oui, parce que c'est une langue parlée. Vous me direz que l'arabe aussi est parlé, mais c'est pas dans le même contexte. On sait pourquoi on apprend l'arabe et on sait pas pourquoi on apprend le chinois. Ok. Alors, en revanche, on sait pourquoi on a envie que les profs et le gouvernement trouvent très rapidement un accord, hein, pour pas laisser le gosse de cette dame une minute de plus avec elle, qui s'ouvre un petit peu à la diversité et au monde, et qui confonde pas l'éducation nationale avec l'éducation nationaliste. Merci Guillaume Meurice. Alors Robert Charles Le Bois. On demande souvent aux invités s'ils se sentent représentés politiquement. Eh bien, nous avons tort de demander ça, parce que vouloir être représenté, c'est une formule passive. Et en plus, c'est vain. Alors, à nous d'être citoyens actifs, nous dit la philosophe Myriam Revaud-Allonne, car c'est normal de ne pas se sentir représenté. Ils ont fait les études jusqu'à 30 ans, jamais ils n'ont déçu, ni papa ni maman. Ils sont vraiment super intelligents, ils en ont oublié de devenir des gens. Ils ont bien étudié sur le papier comment manipuler une société. On te poussera dans une ville, ne sois pas impatient, c'est comme chez Playmobil, mais c'est fait pour les grands. Mais les hommes ne sont pas les pourcentages, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils travaillent. Ils n'ont qu'un bulletin de vote en otage et la rue pour une micro-présaille. Le groupe s'appelle L'Agapette et chante Les Polyptychiens. Alors, Robert Charlebois, vous aviez créé le parti Rhinocéros, pour lequel vous avez d'ailleurs été officiellement candidat. Est-ce qu'à l'époque, c'était votre réflexion « je ne me sens pas représenté et je vais le montrer par l'absurde » ? Un peu, et la preuve, c'est qu'il y avait au moins 4 ou 5 000 personnes qui ont voté pour moi, alors que c'était avant Lindbergh, là, j'étais pas connu, j'étais un artiste tout à fait underground. Donc, il y a des gens qui se retrouvaient pas du tout dans la politique. Et si c'est vrai qu'on a les politiciens qu'on mérite, ça fait peur. Et je vous parle pas des États-Unis, là. Oui, évidemment. Et il y a des politiciens qui sont formidables, et puis il y en a d'autres dans lesquels on peut se reconnaître ou s'identifier, puis il y en a qui sont rafraîchissants. Est-ce que c'est nécessaire? C'est la question que pose ici la philosophe. Est-ce que c'est nécessaire, finalement, de se sentir représenté? Non. Non? Moi, je pense que... Alors, vous êtes d'accord avec non, elle? Non, mais si on a... Tous les gens maintenant ne suffit qu'à leur ordinateur. Fait que pourquoi on ne mettrait pas un ordinateur président? Comme ça, tout le monde. Ben oui, il n'y a plus de querelle d'égo, ça ne coûte plus rien et tout le monde est représenté parce qu'on sait combien ça coûte une chaise, on veut savoir les barreaux coûtent combien. Et puis là, on peut vous augmenter. Non, l'ordinateur dit que non. L'ordinateur dit que si on vous augmente de 4 sous, on fait faillite. Et là, ben, si l'ordinateur l'a dit, et pourquoi on aurait besoin d'un Alors, président j'ai une question ou d'un même. Ministre de la, de la culture si les gens disent, mais nous, c'est ça qu'on veut entendre? Alors, hein? D'accord, alors on entend votre proposition, mais qui programme l'ordinateur? Des... Voilà. Non, d'accord. Non, c'est parce qu'il me semblait facile. Il faut élire répondre à tout. Un ministère de l'imagination. Un ministère de l'imagination. Ah, les gens, ils pensent que je suis un artiste farfelu quand je dis ça, mais dans tout. Pour l'économie, pour les transports, pour tout. Et le ministère de l'imagination programme l'ordinateur. Et puis après ça, on sauve de l'argent. Imaginez plus d'élections. Voilà. On a plein d'argent dans c'est nos poches. C'est la solution contre c'est ma solution. De ne pas se sentir représenté, c'est d'être citoyen actif. Sinon, on est représenté. On élit des démagogues. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui n'est pas populiste ou démagogue n'a aucune chance. Prenez Fillon, ou prenez Mendès France, ou prenez Jospin. Ils n'avaient aucune chance d'être élus parce qu'ils n'étaient pas populaires. C'est comme un chanteur pop qui dirait, je vais chanter de la musique pop, pas de batterie, pas de basse. Mais bonne chance. Clara Dupont-Mono, présidente ou programmatrice de l'ordinateur qui gère nos vies, notre quotidien. J'ai pas de batterie, mais j'ai de l'imagination. Ah, ministère de l'imagination, on va vous nommer ministre. C'est gentil. Mais ministre aussi un peu de l'actualité, puisque l'actualité, c'est aussi une course de Formula, Robert Charlebois, le Grand Prix de Singapour, qui se tiendra le 18 septembre. Et je pense, et même voire je suis sûre que cette actualité ne vous a pas échappé, vous qui, le 18 mars 1983, étiez l'invité d'honneur d'une émission de télé qui s'appelait Formule 1. Oh. Vrai ou faux? Oui, oui, c'est un peu en Belgique, ça, non? C'était sur la Une et c'était produit par Marissier et Gilbert Carpentier. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui, et oui. Vous étiez l'invité d'honneur, 18 mars 1983. Ouais, je vous remercie. En tout cas, ce grand prix. Belle info, en tout cas. Ce grand prix, et puis transition. Oh, bah, transition avec l'actualité. Ce grand prix de Singapour a quand même une particularité, outre le prestige, c'est qu'il se déroule la nuit. Oh. Alors, Robert Charlebois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est pas que je n'aime pas le sport. Mais c'est que j'ai l'esprit quand même assez pratique. Et il y a quand même un moment où je me demande, mais qu'est-ce qui pousse un brave homme à risquer sa vie sur 309 km, à enchaîner 61 tours la nuit et pied au plancher? Franchement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Non, mais il faut. Eh bien, maintenant, il faut c'est avoir fait. Envie de se punir, sérieusement. Voilà, exactement. À la noirceur, en plus. Sauf que nous nous trompons, cher Robert Charlebois. Car la réponse se trouve dans un livre qui vient de paraître et qui s'appelle « À tombeau ouvert » de Bernard Chambaz. C'est un livre qui raconte de façon très personnelle le destin et la mort de Ayrton Senna. Et c'est un livre qui est du coup forcément une magnifique déclaration d'amour à la vitesse. La vitesse, nous dit Chambaz, est la clé de tout. En fait, c'est une espèce de magnifique arrogance qui a fait faire des choses complètement folles aux hommes, et ce depuis des temps immémoriaux. Et Chambaz compare notamment la course automobile avec la course de chars dans l'Antiquité, cher André Manoukian. Il montre que plus d'une fois, Ayrton Senna ressemble à Achille, le héros grec le plus rapide qui était monté sur son cheval Xanthos, version animale de la voiture. Achille qui préféra une vie très dense et très brève à une vie longue et un peu fade. Guillaume Meurice, vous devriez y réfléchir. Ayrton Senna, en tout cas, semble avoir fait intuitivement ce choix depuis tout petit. Je cite, « Enfant turbulent qui ne tient pas en place, qui grimpe sur tout ce qui se présente, et tant mieux si ça glisse, comme sa luge à roulette dont il ponce les bords pour gagner quelques secondes. » Ça, c'est Ayrton Senna, enfant. Autre trait de caractère, il veut tout, tout de suite. Il veut les cadeaux de Noël, la pomme de Blanche-Neige, il veut les bottines, il veut le dessin animé, il veut une femme. Et ce point commun avec Senna s'arrête là, Alex Vizorek, puisque Senna, lui, avait l'embarras du choix. Oui. Mais vous voyez, c'est moi, la vitesse. Voilà. C'est la vitesse comme impatience, comme course contre la montre. En fait, comme la lutte vaine contre ce compte à rebours qu'est la vie, avec cette idée que, eh ben, autant y aller plus vite et défier cet infernal chronomètre auquel nous sommes tous soumis. C'est de l'inné, donc, chez Ayrton Senna. Cette vitesse. Il y a un jeu de mots là non, ou pas? Non, non, pas du tout. Ah oui, non, la question. C'est ce que c'est, oui, ça veut démontrer. En tout cas, il est né comme ça et il avait cette urgence et cette aspiration à vivre. Cette urgence à vivre, quitte à en mourir. C'est paradoxal. Mais c'est souvent le point commun des grands esprits quand même. Je vous rappelle que Françoise Sagan a adoré la vitesse et qu'elle a eu un terrible accident de voiture en 1957 et que Roger Nimier et Albert Camus sont morts dans un accident de voiture. Et Jean Alési Petit allait très souvent dans le gravier déjà. Et ça, c'est vrai que ça lui est resté. Voilà. Et là, il n'y a pas non plus de jeu de mots. Mais c'est ça aussi qui me plaît, je vais vous dire, vous allez me dire Robert Charlebois si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on a une époque où on prône la slow life. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici il faut ralentir le temps, il faut jouer de l'instant présent, il faut ralentir tout ça. Et voilà un écrivain qui arrive et qui dit ah ben non, il n'y a rien de plus noble et de plus grand finalement que l'ultra-vitesse. Seule la vitesse, dit-il, rapproche l'homme du ciel. Et Ayrton Senna, qui calcule la courbe des virages, la force centrifuge, qui, je cite, explore les mécanismes du moteur avec le même zèle qu'un théologien, le moteur céleste, eh ben c'est Icare. André Manoukian, vous l'avez reconnu, bien sûr. C'est Icare qui voudrait toucher le point le plus haut, ignorant que les histoires de grandeur finissent mal en général. Le 1er mai 1994, la voiture d'Ayrton Senna sort du circuit à 260 km/h, percute un mur sur le circuit d'Imola, s'embrase. Ce qui est rarissime, c'est que la voix des commentateurs s'arrête et il meurt sous les yeux de 2 milliards de spectateurs, ce qui est absolument énorme. Mais sous leurs yeux, un casqué est devenu un dieu. Toujours la mythologie grecque, éternellement. Je vous redonne les références à Tombeau ouvert de Bernard Chambaz et paru chez Stock. Merci Clara Dupont-Monod. Je vais peut-être le lire, mais c'est pas un sport que j'aime. Parce que l'éloge de la lenteur, c'est quelque chose. Vive vite, c'est bien, là. Baiser vite, vite aussi. Bonjour madame, merci madame, comme les lapins. Mais enfin Robert, qu'est-ce moi, qui vous l'éloge, moi, j'ai assisté à une course de camembert. Vous m'avez fait peur. Chez Castel, non, avec le groupe Panique. Il y avait Arabal, mon ami Roland Topor, et sur le papier quadrillé, avec une inclinaison de 40 degrés, une course de camembert qui a commencé à minuit, qui s'est terminée à 8 heures du matin, qui s'est terminée à 8 heures du matin. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus excitant qu'un prix de... bien arrosé, évidemment, mais c'est beaucoup plus excitant qu'un prix de Formule 1. Mais il y a moins d'accidents dans les courses de camembert. Et je comprends la philosophie Hells Angels de vivre vite, vite pour retenir rien du tout, puis laisser un beau corps, un beau souvenir. Mais moi, c'est une planète, plus je l'habite, plus je l'aime, et j'ai l'intention d'être là longtemps. C'est pour ça que je prends mon temps. Oui, Robert Charlebois. Ça n'empêche pas que vous avez peut-être aimé votre livre. Merci, Clara. Surtout dans le coït. Clara Dupont-Mono, oui. Oui. Alors, pour tout la suite. Sauf le coït. Bien sûr. Clara, qu'on retrouvera samedi à 19h20. Absolument. Pour la Muse-Bouche, votre nouvelle émission. Voilà. Et l'invité sera Tonino Benacquista. Voilà, d'accord, merci Clara. Robert Charlebois, nous avons une proposition à vous faire, qu'on fait chaque jour à l'invité, qui découvre un texte. Ouh là là. Moi-même, je le découvre. Piège, hein, Alex. Piège. Ah non, pas de piège, c'est un rôle je vous donne, un sketch dans l'actualité. Vous êtes Alain Juppé, parce que vous l'avez rencontré du temps où il a fait son petit exil au bien Québec. Mais non, mais bon, j'étais ami avec lui. Voilà. Et j'étais loin de m'imaginer qu'un jour, il serait dans la course présidentielle. C'est juste parce que je suivais ses cours via le canal Savoir, mondialisation et économie. Et je suis un petit peu passionné par l'économie. Ah, c'était retransmis à la télé, d'accord. Et ben, oui, c'était retransmis à la télé. Il y a des gens qui suivaient les cours d'Alain Juppé. Et donc, il est venu vivre un an au Canada. Et puis moi, quand on pense au Canada, tout le monde pense à moi avant toute chose. Oui, même avant Justin Trudeau. On vient vous visiter. Et donc, je l'ai rencontré souvent. Et donc, vous êtes souvent. Alain Juppé qui sort demain. Vous voulez que j'imite M. Juppé? On vous tente si vous voulez. Moi, Guillaume Meurice est votre éditeur. Charline et Isabelle Juppé. Et demain, vous sortez un livre en format électronique. Et c'est vrai. Attends, mais moi, GM, c'est qui GM? Ça, c'est lui. Vous êtes le surligné. Ah bah oui. Voilà. Moi je fais une biscotte. Je vous ai mis. Alors, faut pas spoiler le sketch. Vous attention, êtes Alain Juppé. Moi je fais RC parce que RC c'est RC c'est je fais rez-de-chaussée, rez-de-chaussée d'habitude RC. On est parti. Bon, monsieur Juppé, qu'est-ce qu'on a de croustillant? Une biscotte. Ah, oh, qu'il est drôle. Ouais, enfin, j'espère que vous n'avez pas écrit un recueil de blagues, quoi. Non, non, c'est dans mon programme. Ah, bah, il y aura peut-être de quoi rire. Alain voudrait que ce soit un best-seller. Oui, mais alors, vous avez choisi de le sortir qu'en format électronique, c'est ça? Bah oui, ça évite à Alain de rencontrer des gens dans des séances de dédicaces. Vous verriez comme les gens ont les mains sales. Ah ouais, mais l'autre, il en a fait plein, lui, hein. Il faut absolument qu'on vende plus que Sarkozy, hein. Qui ça? Le monsieur, là, qui a des problèmes avec la justice. Ah, j'aime pas qu'on lit de ça. Ah oui, pardon, monsieur Juppé, pardon. Alain était très très choqué par cette affaire. Ah bah, j'imagine, être traîné en justice... Ah non, c'est pas ça, ça je m'en fous. Ah bon? Oui, oui. Non, ce qui me choque, c'est de me voir me coltiner un an au Québec. Oui, je comprends, oui. Hey, je me demande si j'aurais pas préféré faire de la prison ferme. Là-bas, on a beaucoup souffert. Ouais, le climat. Non, ça va. Mais non, ça, je lui avais tricoté un bonnet pour qu'il prenne pas froid. Non, le pire au Québec, ce sont les gens. Ah oui, à ce moment-là. Ah, vous imaginez pas, ils sont toujours souriants, ils vous saluent dans la rue, ça n'a aucun sens. Si, Paris nous a beaucoup manqué. Et le pire, c'est qu'ils écoutent du Robert Charlebois toute la journée. Ah, oh, j'adore. Reviendrai à Montréal. Oui, mais allez-y avec modération. J'en ai trop entendu. Non. Si Alain perd à la primaire, je préfère qu'on s'installe à Kaboul. Comment vous avez rencontré Alain Juppé? Simplement par la télévision, alors, Robert Charlebois? Non, pas par la télévision. Ben, premièrement, il habitait une maison que Luc Plamondon, mon ami et collègue parolier, tout ça. Qu'on connaît pour Starmania, notamment. Oui, et donc, on s'est... Puis c'était à côté du restaurant de mon fils Victor. Donc, on a commencé à se fréquenter là, il y a au resto. Et puis, il est venu voir mon spectacle... il était en jean, avec des plis, bien sûr. Ah, mais oui, jean. Non. Mais il tapait un peu à contre-temps. Mais je l'ai vu avoir une larme pendant Ordinaire. Et moi, un chanteur qui peut émouvoir Alain Juppé, c'est très, très rare. Non, c'est très, très rare. Légion d'honneur. Et hein. Mais quelquefois, il est venu m'entendre. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans un beach party avec Alain Juppé en maillot. Et il y avait une montre sur mon siège d'auto. Puis j'ai dit, à qui peut être cette montre? Et j'ai passé une nuit avec la montre d'Alain Juppé. Alors le lendemain, ça crée des liens. Oui, je comprends. Robert Charlebois, merci. Je rappelle que vous fêtez vos 50 ans de carrière sur scène et que Alain Juppé viendra vous voir certainement. Il viendra le 12 ou 13 décembre il va venir, à Bobino, bien sûr. Et quand je vais à Bordeaux, il me reçoit avec des poutines au foie gras. J'imagine. Ou alors le 6 décembre à Perpignan. Une culture québécoise très élaborée. Le 7 décembre à Biarritz. Le 16 décembre à Tours. Le 17 17 décembre à Vendeuvre-les-Nancy. Ah oui. Nancy, où nous serons demain avec toute l'équipe. Oui. Merci. Merci Robert Charlebois. On va laisser le mot de la fin. Le mot de la fin à ceux à qui on doit tout dans cette émission. On leur doit tout. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Hein. Moi, c'est Juliette. Et ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Souvent, malgré moi, je suis une grande gaffeuse. Enfin, j'essaie de ne pas me prendre au sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors, pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ça fait plus de 20 ans que 100 000 femmes participent, comme moi, à une étude INSERM MGEN et aident la recherche. Notamment sur le cancer du sien. du sein, pardon. Bah voilà, quand je vous disais que j'étais gaffeuse. Juliette a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. On est arrivé. Tu descends, chérie, je vais chercher une place. Smart for Two. Garez-vous enfin, là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, que se passe-t-il à Lyon ? Eh bien, je suis dans une usine. La machine principale est cassée. Court-circuit, même pas 6 ans. Apparemment, elle est fichue. Ah, bah ça va leur coûter cher. Non, pas du tout. Avec MMA, l'entreprise est bien couverte. Indemnisation au prix du neuf sans vétusté. Donc reprise de la production au plus vite, sans problème de trésorerie. Oui, 0,3K, 0 blabla, c'est pas un scoop. 0,3K, 0 blabla, MMA. Dans les conditions et limites du contrat. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Au programme de ce jeudi soir à 18h15, retour sur la fiscalité des géants de l'informatique. L'Europe semble décidée à agir. Frédéric Carbone à Washington et Benoît Thiolin, invité d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur le quotidien de nos concitoyens en situation de handicap, quelle qu'en soit la forme. La France est-elle à la hauteur? Est-elle à la traîne? Vos questions, vos témoignages aussi. Au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal tout de suite, Florence Paracuellos, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, l'offensive de François Hollande, presque candidat pour 2020.